Abina, on revient vers vous. Alors, avec ce qui s'est passé du côté du Kremlin, c'est vrai que les drones ont été interceptés, mais plusieurs personnes à travers cette action affirment que désormais les bases aériennes russes sont perméables et qu'il faudra désormais doubler de vigilance, surtout que ça arrive à un moment très crucial, à quelques jours de la célébration du 9 mai, notamment la victoire de la Russie sur les nazis, notamment sur l'Allemagne, la victoire de 1945, Gamal Abina. D'ailleurs, il faut expliquer très rapidement pourquoi le 9 mai. C'est parce que les alliés occidentaux, qui étaient évidemment pas des alliés russes, hein, ils sont des alliés de circonstance, se sont précipités pour célébrer le 8 mai 45 comme étant un jour de victoire, sans en informer les Russes, qui ont très mal vécu et qui ont décidé de célébrer ça le 9 mai, le lendemain de cette célébration. Donc, dès le départ, le rideau de fer que Churchill avait annoncé tomber sur l'Europe était déjà bien imposé par l'agenda anglo-américain. Il n'avait absolument pas l'intention de faire copain-copain avec les Russes. Ça, c'est la première des choses. Alors, pourquoi? Oui, effectivement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Russes, si des drones sont capables de frapper le cœur du pouvoir russe, alors ça n'est jamais arrivé, même sous le temps des nazis, hein, je le rappelle, hein, les nazis n'ont jamais atteint le Kremlin. Eh bien, si les Russes, si les Ukrainiens sont capables de faire ça, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de sécurité, peut-être que tout n'est pas clair, peut-être qu'au sein de la Russie même, il y a peut-être des agents dormants qui travaillent, ou simplement c'est une opération propagande. Tout est possible, on ne va pas non plus affirmer les choses, bien que les opérations de ce type-là terroriste, c'est plutôt de la part de gens plus faibles, en l'occurrence les Ukrainiens. Mais on peut évoquer ces pistes de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de penser que la Russie détient totalement la possession du ciel, évidemment ukrainien, puisqu'ils ont quasiment les 90% de l'aviation ukrainienne, et que peu d'avions qui volent en rase-mode, parce que sinon ils sont immédiatement détectés et interceptés par les systèmes de défense S-400, qui sont extrêmement performants. Donc le ciel ukrainien et russe appartient aux Russes. Il reste donc l'emploi d'engins comme les drones, qui sont des engins de basse altitude, et qui peuvent effectivement, sans prendre le risque de tuer son pilote puisqu'il le fait à distance, sont en mesure de pouvoir attaquer dans des opérations suicides comme celle-ci. C'est bien des drones suicides dont il s'agit. Mais je pense que j'ai pas trop l'inquiétude sur le 8 et 9 mai, enfin sur le 9 mai russe, en l'occurrence, parce que d'abord, le ciel est tenu par eux, parce que les systèmes de défense sont très très performants, et surtout parce que les Russes ont l'habitude des contre-mesures. Ils savent parfaitement comment opérer ce genre d'opération et comment anticiper une attaque désespérée. Donc il n'y aura pas d'attaque. En revanche, je ne sais pas si la symbolique du 9 mai, qui serait le coup d'envoi, et je ne crois pas du tout, effectivement, comme Adrien, le coup d'envoi d'une contre-offensive mythifiée aujourd'hui, parce que personne n'y croit, je ne crois pas que cette symbolique soit répondre à l'agenda historique de la Russie. Je ne crois pas du tout. Je pense que les Russes, peut-être, vont peut-être entamer l'offensive à partir du 9 mai, pas nécessairement ce jour-là. Mais surtout, je pense que on parle de beaucoup de choses, beaucoup de symboles, mais dans les faits, la seule chose qui compte, c'est que sur le terrain, 20% d'Ukrainiens appartient à la Russie, que les Ukrainiens reculent partout, parce qu'actuellement, chacun est en train d'avancer ses cartes pour négocier. Mais la négociation a été voulue récemment, encore une fois, par Zelensky, qui a appelé Xi Jinping. Il ne faut pas oublier que Zelensky, s'il appelle le président chinois, c'est certainement pas pour lui demander si sa fille se porte bien, mais simplement pour lui demander s'il y a une possibilité de négociation directe avec Poutine. Donc là, on est sur un rapport de force qui est défavorable aux Ukrainiens. C'est pourquoi, d'ailleurs, les actions terroristes peuvent arriver. Et surtout, l'idée que les Ukrainiens entament une offensive qu'on a beaucoup attendue depuis l'hiver dernier, quand même, comme par hasard au printemps, alors que c'est le moment le plus défavorable pour eux, puisque le ciel est parfaitement découvert et que les Russes voient tout ce qui se passe, ça, j'y crois pas du tout. D'abord parce qu'ils n'ont plus assez d'effectifs pour ça. Je rappelle qu'il y a à peu près un an, Zelensky se vantait de lever une armée de 1 million d'hommes. On n'a toujours pas vu la couleur de son armée. Par contre, on a vu 100 000 hommes au tapis. Il a fait massacrer. Un article récent du Parisien parlait de l'état de la moral de l'Ukraine, des Ukrainiens qui fuient littéralement l'enrôlement forcé dans les troupes ukrainiennes, parce qu'ils ne croient plus du tout à la victoire, qu'ils ne croient pas du tout, évidemment, à une contre-offensive qui ne laisserait pas des pertes sanguinaires, et qui sont tous informés de la fameuse offensive de l'année dernière, qui était catastrophique en termes humains. Les Russes ont reculé en perdant quelques hommes, les Ukrainiens y ont laissé 10 000 âmes d'un coup. Donc, c'est vous dire un peu le bain de sang dans lequel, malheureusement, la population ukrainienne est plongée. Donc, la contre-offensive, je n'y crois pas. Je pense que c'est les Wolf. Ils vont certainement faire une offensive symbolique, j'en suis persuadé. Symbolique pas pour le 9 mai, mais symbolique pour donner le sentiment que l'Ukraine était capable de reprendre une portion de territoire. Et une fois que cette contre-offensive, qui sera juste symbolique, mais pas très sérieuse sur le plan stratégique, aura eu lieu et que les Ukrainiens auront peut-être, je sais pas, détruit une dizaine de chars et fait reculer peut-être une ligne de défense russe, une fois que ce sera fait, à ce moment-là, ils iront à la table des négociations. Et j'en veux pour preuve, je suis même quasiment persuadé que l'Occident, qui pour l'instant fait semblant de les soutenir, finira par, je parle d'Occident européen, pas américain, finira par se dire, bon, ça commence à être problématique, on n'a pas assez de gaz pour l'hiver prochain, les réserves stratégiques ont été largement entamées dans un hiver passé qui était quand même assez doux, ça n'a pas été un hiver rigoureux, ils s'attendent à ne plus avoir de gaz pour l'hiver prochain, donc ils sont bien obligés de reprendre main avec les Russes et de renégocier directement avec la Russie. L'autre aspect amusant, c'est que les médias propagandes aujourd'hui, qui disent beaucoup de bêtises, nous expliquent que Poutine serait isolé du monde, qu'il n'oserait pas sortir de son territoire et qu'il irait peut-être pas en Afrique du Sud. Parce que la CPI a demandé un mandat d'arrêt international contre Poutine et qu'il serait interpellé par les Sud-Africains. Je rassure les Sud-Africains, les Africains en général et Poutine en particulier, c'est complètement ridicule. Personne ne va livrer Poutine comme personne en Afrique du Sud n'a pensé à livrer à l'époque Omar el-Béchir qui était lui aussi frappé d'un mandat d'arrêt international. Donc il y aura cette fameuse réunion des BRICS qui aura lieu à partir de juin et en juillet et surtout au mois d'août, qui va consacrer un changement de paradigme mondial économique et politique et qui va surtout accélérer, je l'espère, la fin de cette guerre, une négociation directe et l'arrêt du 25 parce qu'encore une fois, il faut rappeler systématiquement à tout le monde, la population ukrainienne n'a pas mérité de subir cette guerre inutile qui aurait pu être évitée dès le départ en négociation directe entre Poutine et la partie otanienne, parce que finalement, Zelensky, c'est que l'OTAN. Alors, on nous fait signe que Charlie Kenyé, il est de retour. Alors, Charlie Kenyé, Gamal Abina, il a parlé tout à l'heure des rapports de force, bien sûr, en faveur de la Russie. Mais seulement, ce qui est arrivé peut être évocateur. C'est un message qu'ils ont envoyé à Moscou. Ne pensez pas que vous êtes intouchable. Et voilà, ils ont envoyé deux drones du côté du Kremlin, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début de l'invasion russe du côté de l'Ukraine. C'est le Kremlin qui a été touché, même si les deux drones envoyés ont été mis hors d'état de nuire. Non, je pense que nous sommes là simplement dans des cas d'actes de terrorisme qui revêtent l'aspect de la guerre asymétrique. Et dans la guerre asymétrique, lorsqu'on fait la guerre asymétrique, ça veut dire qu'on est dépassé dans la guerre conventionnelle. Ça veut dire que le rapport de force est en faveur justement de la Fédération de Russie. Sauf que ici, on utilise un élément qui est... Il y a la symbolique. La cible ici était le Kremlin, donc... Le simple fait même que ce drone, n'est-ce pas, ait survolé l'espace aérien ce qui est censé être le lieu le plus protégé de Russie, la symbolique de ça fait en sorte que l'image qu'on voudrait renvoyer à l'échelle internationale, c'est que ces gens ne sont pas si puissants que ça. Et donc peut-être, comme je le disais tantôt dans mon analyse préliminaire, donner des ailes à ce qu'ils sont en train de préparer comme étant une certaine contre-offensive de l'Ukraine contre la Fédération de Russie dans le Donbass. Mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, et je crois qu'Adrien Bouquet nous rappelait à ceci, je pense que nous sommes beaucoup plus là dans des actes du renseignement ukrainien ou encore du renseignement otanien, à la limite même du renseignement américain, présent sur le sol russe. Lorsqu'il nous rappelle de cette cellule qui a été démantelée du côté de la Crimée, je pense que peut-être, je dis bien peut-être, il y en aurait également du côté de la Russie. Sinon, vous ne pouvez pas, pareil, selon le Centre d'études stratégiques russe, le drone qui a été abattu ne provenait pas de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il provenait de l'intérieur de la Fédération de Russie et de la ville de Moscou précisément. Ça veut dire qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre à l'intérieur du territoire russe, à l'intérieur de la ville de Moscou, qui travailleraient ou alors qui agiraient dans le sens de commettre des actes terroristes contre un certain nombre d'infrastructures russes. Ça relève justement du terrorisme, ce qu'on appelait de la guerre asymétrique, qui est un sentiment de faiblesse. Il n'y a rien d'autre là-bas. Le terrorisme, c'est un acte de faiblesse, ce n'est pas de la force. C'est clairement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils nécessaires d'aller à la guerre frontale que justement on entre dans la clandestinité, dans les opérations clandestines, dans le terrorisme, pour justement se faire entendre. Donc le rapport de force n'est pas le même. Il est totalement, je vais dire quoi, favorable à la Fédération de Russie. Sauf que derrière également, il y a une question qui se pose. Y aurait-il donc des agents ou alors des cellules dormantes qui continueraient à agir à l'intérieur du territoire russe de nature justement à poser des actes pour justement les endosser sur le dos de l'Ukraine et par ainsi peut-être présenter une certaine image, une certaine faiblesse de la Fédération de Russie. C'est ça la problématique aujourd'hui. Et en ce sens-là, moi je pense très humblement qu'il est impératif par rapport à ce que nous sommes en train de voir, et même par rapport à la propagande qui entoure cette actualité, autant pour moi, de véritablement travailler en interne. C'est-à-dire qu'il faille renforcer justement les capacités de pouvoir extirper ou alors de pouvoir neutraliser toutes ces cellules-là ou alors tous ces agents-là qui continueraient à agir à l'intérieur de la Fédération de Russie pour justement présenter une image d'un État qui serait faible ou alors d'un État dont la défense aérienne ne serait pas même peut-être de pouvoir contrer pareille attaque. Ceci peut être également catégorisé comme étant un acte de faiblesse, ça ne peut pas être possible parce que je crois que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un acte qui provient de l'intérieur du territoire et qui visait un bâtiment public, principalement le Kremlin. Est-ce que vous pensez que pareil drone provenant de l'extérieur de l'Ukraine aurait même pu franchir l'espace aérien, provenant de l'Ukraine aurait pu franchir l'espace aérien russe? Pour ma part, je ne pense pas. Aujourd'hui, il est clair que l'espace aérien russe est franchement verrouillé. D'ailleurs, ils ont le matériel pour, je crois qu'on le rappelait encore, ils ont les S-400 et les S-500 qui font tellement de mal aux forces de l'OTAN du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, la Russie aujourd'hui, c'est la Russie qui contrôle l'espace aérien ukrainien. Alors, dire qu'un État comme celui-là, avec le matériel, avec la logistique que nous connaissons à cet État-là, qui aujourd'hui contrôle l'espace aérien d'un territoire ou d'un pays où vous avez pratiquement 30 armées de plusieurs pays qui sont représentés avec tout ce qu'on peut concéder comme matériel aux forces otaniennes, mais qui n'arrivent véritablement pas à avoir le dessus sur la Russie dans le, au niveau du contrôle de l'espace aérien ukrainien, dit donc que ces personnes-là auraient pu briser les lignes de défense de l'espace aérien russe de nature à attaquer le Kremlin. Je ne le pense pas. C'est un acte isolé, c'est un acte qui provient de l'intérieur du territoire, simplement parce qu'aujourd'hui, on voudrait renvoyer à l'échelle internationale, à l'image, à la conscience collective internationale, comme quoi cet État qui, à travers justement les opérations menées en Ukraine, nous ont montré qu'ils avaient les moyens de leur politique, mais qu'également la capacité militaire européenne était un peu trop surévaluée. Aujourd'hui, cet État-là n'est pas tellement ce que nous pensons. Et donc, on multiplie ce genre d'actes terroristes pour essayer de les fragiliser, pour essayer justement de retourner l'intention qui anime aujourd'hui l'ensemble de la population mondiale envers ce pays-là, comme quoi ce n'est pas ce que nous pensons. Et peut-être, je dis encore, peut-être, bien sûr, préparer comme une forme de riposte, comme une forme d'élan qui sera en train de se préparer, ma foi, comme je le disais tantôt, qui n'aura peut-être pas lieu, ou alors qui véritablement n'aura pas d'impact sur les défenses russes, mais préparer justement ce qu'on nous vend comme depuis un temps des années, la riposte, la contre-offensive de l'armée ukrainienne contre la Fédération de Russie. Il y a un bouquet qui lui aussi a vécu en direct dans le Donbass, à un camp d'entraînement, des Russes, voilà, des pro-russes, c'était donc des Français pro-russes, voilà, qui s'entraînaient. Il était de ce côté-là pour Afrique Média, ce reporter de guerre Adrien Bouquet, correspondant Afrique Média. Alors, on revient avec vous pour que vous puissiez nous raconter cette petite expérience. Adrien Bouquet, vous qui avez vécu dans le Donbass, un camp d'entraînement avec les militaires russes, tout comme Afrique Média, qui ont envoyé sur le terrain deux reporters pour vivre en direct ce qui se passe véritablement du côté de Moscou. Bien sûr. Alors, je suis encore dans le Donbass, en direct du Donbass. Là, je suis actuellement à Donetsk, dans le centre-ville. Je suis régulièrement et je travaille régulièrement donc à Soledar. Hein. Soledar, c'est la frontière avec Bakhmout, où se trouvent justement pratiquement 80% de militaires Wagner. Donc effectivement, exactement comme mes collègues actuellement à Moscou, dans un centre d'entraînement de Wagner. Donc moi, je suis régulièrement avec Wagner, mais sur le terrain au niveau de Soledar. D'ailleurs, hier, hein, vous montriez ceci qui m'a été remis hein, par l'un des soldats, qui est donc le patch de Wagner. Et oui, effectivement, les soldats que vous pouvez voir donc actuellement à Moscou, hein, qui sont entraînés par Wagner, où est notre correspondant et mon collègue. de liaison avec Adrien Bouquet que nous allons certainement avoir dans quelques instants. Rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Ils peuvent donc désormais nous appeler parce qu'ils ont essayé de nous appeler il y a quelques instants. C'était pas encore l'instant des téléspectateurs, donc ils peuvent déjà nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet du jour concernant la tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine, malgré le fait que l'Ukraine et Washington refutent toute accusation Moscou. Alors, Gamal Abinan revient vers vous en attendant, bien sûr, les téléspectateurs. Alors, comment comprenez-vous ces efforts de Kiev et de Washington qui nient toute responsabilité concernant ces attaques d'il y a, bref, ces attaques de la nuit dernière? C'est simplement pour dire que c'est pas très glorieux en vérité d'assassiner un chef d'État. C'est pas la première fois qu'ils le font, ils ont assassiné beaucoup. Les Occidentaux, particulièrement la CIA ou les services français, on se souvient évidemment de Sankara, on se souvient évidemment indirectement assassiné par eux, de Kadhafi récemment, personnellement, on se souvient évidemment de Lumumba, on se souvient des tentatives d'assassinat de même de Hitler, hein, je vais y aller, hein, Hitler aussi a tenté d'assassiner. C'est-à-dire que la méthode anglo-saxonne, lorsqu'ils ne réussissent pas à vaincre sur le terrain militaire, ben, c'est la tentative d'assassiner un dirigeant. C'est rarement le cas de l'autre côté. Les pays qui sont opposés à l'Occident, en général, ne cherchent pas à assassiner le dirigeant politique. Donc je vais toujours à l'extrême, même pour en parler du clair. Pourquoi ? Pour dire que réellement, c'est des méthodes qui sont habituelles, sans surprise, et qui, là encore, on voit bien dans les interventions médiatiques, surtout en France, tout le monde parle que d'une chose, la maladie de Poutine, l'assassinat de Poutine, une opposition à Poutine, Poutine ne partirait pas de Russie parce qu'il pourrait avoir un coup d'État. Tout ce genre de stupidité en faisant parfaitement mine de ne pas voir que cette opération militaire qui était lancée par Poutine, donc cette guerre, hein, si on l'appelle comme ça, c'est une guerre, c'est pas autre chose, eh bien, il y a quand même un soutien à la population massive. Plus de 90% des Russes sont favorables à ça, parce que le sentiment général des Russes, c'est que l'OTAN, qui n'a pas cessé de s'élargir alors qu'elle a dû disparaître après 92, eh bien, l'OTAN est devenue tellement agressive qu'aujourd'hui, elle soutient directement un territoire qu'il considère comme étant russe historiquement, et c'est vrai que c'est les premiers Russes étaient là-bas, la fameuse route de l'Ukraine qui s'appelait l'État des Russes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes ont le sentiment qu'on vient vraiment les chercher à leurs frontières. Ce qui n'est pas faux. Il faudra quand même rappeler que les bases américaines sont disséminées dans toute l'Europe pour entourer la Russie, ça on voit, disséminées dans tout le Moyen-Orient pour entourer l'Iran, disséminées dans toute l'Asie pour entourer la Chine. Enfin, quand même, on voit la présence américaine extrêmement agressive en frontière et qu'il fallait un jour ou l'autre que ça s'arrête. Donc les Russes ont décidé de mettre du poids sur la table. La population russe est très éduquée et c'est très bien. Et au-delà du nationalisme qu'on a commencé un petit peu à lancer, une réalité, c'est que les Russes sont actuellement avec des ennemis à leurs frontières. Et que ça ne passe pas du tout. Alors, les tentatives d'assassinat de dirigeants politiques, c'est une tradition occidentale. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Ils l'ont fait régulièrement et le font tout le temps. Ils l'ont fait même en Iran en 53 avec Mossadegh, hein, le premier ministre iranien qui a été assassiné par leur soin. On l'a vu même avec la chute de la Roumanie lorsqu'ils ont assassiné Ceausescu et sa femme. C'est des méthodes occidentales très connues. Donc, c'est pas une surprise qu'ils ont tenté le coup avec Poutine. Après, tentative d'assassinat avec deux drones ridicules au Kremlin, on ne sait pas où se trouve Poutine, ça c'est pas très sérieux, mais c'est vrai que la tentative mérite d'être entendue. C'est que c'est des méthodes occidentales très, très classiques. Ils se disent que lorsque l'on coupe la tête, eh bien le reste du corps ne suivra pas, mais ils font une erreur. J'ai même envie de dire pratiquement que Poutine, en comparaison de Medvedev, c'est un modéré. Medvedev, ses positions sont extrêmement radicales et beaucoup plus violentes. Hein. Donc c'est un peu comme si on avait assassiné Hitler à l'époque, et bien ce qui était numéro 2 d'Hitler, c'était Himmler, et Himmler c'était un extrémiste absolu. Il faut faire très attention à ce genre de stupidité parce que Poutine est un négociateur. Malgré tout, ce que ne sera pas, Medvedev est un radical. Je ne vais même pas parler évidemment de Prigogine ou d'autres organisations comme celle-là, mais une chose certaine, c'est que la tentative est probablement une action occidentale. C'est pas une surprise. Ça ne va pas dire que c'est à 100%. Moi, je ne vais jamais être péremptoire parce que tant que les enquêtes objectives ne sont pas menées, on ne peut pas le savoir. Mais les tentatives d'assassinat chez l'État, c'est bien une tradition occidentale. Afrique Média, le monde, c'est nous.